Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. 9e épisode. Le récit que Mrs. Dean me faisait chaque soir de la vie de Mr. Heathcliff me captivait. Peu à peu, je parvenais à me faire un portrait plus précis du mystérieux propriétaire de Hurlevent. Mrs. Dean m'apprit que le jour de ses 16 ans, la jeune Catherine avait réussi à la convaincre de sortir de l'enceinte du domaine et qu'elles étaient tombées sur Heathcliff, qui les avait invitées à venir se reposer chez lui. Là, la jeune fille avait eu la surprise d'y retrouver son cousin Linton. Lorsqu'elle révéla à son père cette visite et lui demanda pourquoi il lui avait caché que son cousin vivait si près d'eux avec son père, Edgar Linton n'eut plus d'autre choix que de lui révéler la vraie nature de Heathcliff et le danger qu'il représentait pour elle. Il était alors déjà très affaibli par les épreuves et ne sortait plus guère de sa bibliothèque ou de sa chambre. Mais de nouveau sous le charme de son cousin, Catherine ne put s'empêcher de retourner voir Linton. D'autant que Heathcliff insistait sur le fait que le jeune homme, très faible, se mourait d'amour pour elle. Quand je demandai à Mrs. Dean comment la jeune Catherine avait pu échapper à sa surveillance, elle reprit son récit. J'étais tombée malade et pendant 3 semaines, je fus incapable de vaquer à mes devoirs. La première fois que je pus passer la soirée debout, je demandai à Catherine de me faire la lecture parce que j'avais la vue affaiblie. Elle consentit, d'assez mauvaise grâce, me parut-il, puis au bout d'un moment, elle se plaignit d'un mal de tête et me laissa. Après un long moment où je restais seule, je résolus d'aller voir si elle se sentait mieux. En haut comme en bas, cependant, point de Catherine. J'écoutais à la porte de Mr. Edgar. Tout était silencieux. Je retournai à sa chambre, éteignis ma bougie et m'assis à la fenêtre. La lune brillait avec éclat. La neige saupoudrait la terre. Je distinguais une silhouette qui se glissait le long de la haie à l'intérieur du parc. Quand elle émergea dans la lumière, je reconnus l'un des palefreniers. Il resta là un temps considérable à regarder la route qui traversait le domaine, puis il partit à vive allure et réapparut bientôt, conduisant le poney de Miss Catherine, qui venait de mettre pied à terre, marchant à son côté. Elle se glissa sans bruit en haut, où je l'attendais. Oh, ma chère Miss Catherine, où donc avez-vous été chevauchée à cette heure? Répondez. Nelly, promettez-moi de ne pas vous fâcher. Je vous le promets. J'ai été à Hurlevent pour voir mon cousin Linton. Et j'y suis allée chaque jour depuis que vous êtes tombée malade. Oh. J'ai donné à Michael des livres et des images pour qu'il prépare Minnie chaque soir et qu'il la ramène à l'écurie. J'arrive là-bas vers 6h30. Je reste généralement jusqu'à 8h30 et puis je rentre au galop. 3 fois peut-être, Linton et moi avons été heureux et pleins d'espoir. Mes autres visites furent mornes et troublées. Tantôt par son égoïsme et sa hargne, tantôt par ses souffrances. Mais j'ai appris à tout supporter avec une patience à peu près égale. Maintenant, Nelly, vous savez tout. Vous ne direz rien à papa, n'est-ce pas? Je prendrai demain une décision à cet égard, Miss Catherine. Pour l'instant, je vous laisse vous reposer et je vais y songer. J'y songeais tout haut en présence de mon maître. En sortant de la chambre de Catherine, j'allais droit à la sienne et je lui racontais tout. Mr. Linton fut plus alarmé qu'il ne voulut me l'avouer. Au matin, Catherine apprit que ses visites clandestines devaient cesser. Tu ne retourneras plus jamais à Hurlevent. Non, non, papa, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je t'en prie, Mais je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas le problème. Mais Linton est la seule personne de mon âge que je puisse voir. Je sais, je comprends. Je te promets que j'écrirai à Linton. Je l'autoriserai à venir nous voir ici, mais toi, tu ne retourneras plus jamais à Hurlevent. Quelques jours plus tard, il me fit venir auprès de lui. Dites-moi sincèrement, Nelly, ce que vous pensez de Linton. Est-il changé en mieux? Ou y a-t-il un espoir pour qu'il s'amende en devenant un homme? Il est très délicat, monsieur. Il est peu probable qu'il atteigne l'âge d'homme. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il ne ressemble pas à son père. Et si Miss Catherine avait le malheur de l'épouser, elle pourrait avoir de l'empire sur lui. Mr. Linton alla à la fenêtre et regarda dans la direction de l'église de Gimmerton. J'ai souvent appelé dans mes prières ce qui est en train de venir. Et maintenant, je commence à reculer et à avoir peur. Nelly, j'ai été bien heureux avec ma petite Cathy. Mais j'ai été heureux également à rêver seul parmi ces dalles à l'ombre de la vieille église, couché par les longs soirs de juin sur le tertre vert de la tombe de sa mère et aspirant au moment où je pourrais à mon tour reposer là. Que puis-je faire pour Cathy? De quelle manière dois-je la quitter? Je ne me laisserai pas troubler un instant par la pensée que Linton est le fils de Heathcliff, ni par celle qu'il me prendrait Cathy, pourvu qu'il pût la consoler de ma perte. Mais si Linton est indigne, s'il n'est qu'un faible jouet aux mains de son père, je ne peux pas la lui abandonner. J'aimerais mieux la confier à Dieu et la coucher en terre avant moi. Le printemps approchait, pourtant mon maître ne recouvrait pas vraiment ses forces. Comme promis, il écrivit à Linton en exprimant son grand désir de le voir. Celui-ci envoya une réponse qui laissait entendre que Mr. Heathcliff s'opposait à ce qu'il vînt au manoir, ajoutant toutefois qu'il espérait le rencontrer quelquefois au cours de ses promenades, et lui demander de vive voix que sa cousine et lui ne restassent pas si longtemps séparés. Venez de temps en temps à cheval avec elle, aux abords de Hurlevent, et laissez-nous échanger quelques mots en votre présence. Cher oncle, je crois qu'une entrevue vous convaincrait que je n'ai pas le caractère de mon père. Edgar, malgré la sympathie qu'il éprouvait pour le jeune garçon, ne lui accorda pas cette requête parce qu'il n'était pas en état d'accompagner sa fille. Il répondit qu'en été, peut-être, ils pourraient se rencontrer. Mais à eux deux, Linton et Catherine finirent par persuader mon maître d'accepter qu'ils se promenassent ensemble, à pied ou à cheval, une fois par semaine, sous ma surveillance et dans les landes les plus voisines du manoir. Car juin était arrivé, et Mr. Edgar continuait à s'affaiblir. Bien qu'il eût mis de côté annuellement une partie de son revenu pour constituer la fortune de ma jeune maîtresse, il éprouvait tout naturellement le désir de la voir garder la maison de ses ancêtres. Et il considérait que la seule chance qu'elle eût de le faire était de s'unir à son héritier. Il ne soupçonnait nullement que celui-ci dépérissait presque aussi rapidement que lui-même. À vrai dire, personne ne le soupçonnait, je crois. L'été avait déjà perdu son premier éclat quand nous partîmes à cheval pour la première fois, Catherine et moi, afin de rejoindre son cousin. C'était une journée lourde, étouffante. Et notre rendez-vous avait été fixé à la borne indicatrice de la croisée des chemins. Toutefois, quand nous y arrivâmes, un petit pâtre, envoyé en messager, vint à notre rencontre. Matt Linton est juste là, au versant de la colline, et il vous aurait bien de l'obligation de pousser un peu plus loin. Par là. Maître Linton a oublié la première injonction de son oncle, à savoir que nous devions rester sur les terres du manoir. Bah, nous ferons faire demi-tour à nos chevaux quand nous aurons rejoint Linton. Notre promenade se poursuivra vers la maison. Mais quand nous le rejoignîmes, à un quart de mille à peine de sa propre porte, nous découvrîmes qu'il n'avait pas de cheval. Il est là. Et nous fûmes forcés de mettre pied à terre. Il était couché sur la bruyère, attendant notre approche, et il ne se leva que lorsque nous ne fûmes qu'à quelques pas. Mais vous n'êtes pas en état de faire une promenade ce matin? Comme vous avez l'air souffrant. Mon Dieu, Linton, tu ne vas pas bien. Tu as maigri et... Je suis fatigué. Et le matin, je me sens souvent mal. Papa dit que je grandis trop vite. Il fait trop chaud pour marcher. Reposons-nous ici. Il me semble, Linton, que tu serais mieux chez toi qu'ici. Catherine, ne crois pas que je vais mal. C'est le temps lourd et cette chaleur qui me déprime. Reviens jeudi prochain. Et si tu rencontres mon père et qu'il t'interroge à mon sujet, ne lui laisse pas supposer que je me suis montré extrêmement silencieux et stupide. Il se mettra en colère. Je ne me soucie nullement de sa colère. Mais moi, je m'en soucie. Je t'en prie, ne l'excite pas contre moi, Catherine. Il est très dur. Est-il sévère pour vous ? Linton me regarda, mais ne répondit pas. Puis il laissa tomber sa tête lourdement sur sa poitrine. Pourquoi a-t-il voulu me voir, Nelly ? On dirait que c'est un devoir qu'il est forcé d'accomplir, de crainte que son père ne le gronde. Quelqu'un m'a appelé. Non, à moins que ce ne soit en rêve. Je ne comprends pas, Linton. Comment tu peux somnoler ainsi ? J'avais cru entendre mon père. Tu es sûre que personne n'a parlé ? Chut ! Il vient. Oh, ne me laisse pas, Catherine. Laisse-moi. Je viendrai jeudi. Au revoir. Vite, Nelly. Oui, allons-y. Une semaine s'écoula, dont chaque jour fut marqué par l'altération, désormais rapide, de l'état d'Edgar Linton. Nous aurions bien voulu tromper encore Catherine, mais sa vivacité d'esprit l'empêchait de se leurrer. Elle devina en secret la terrible vérité qui peu à peu devenait certitude. Elle n'eut pas le cœur de faire allusion à sa promenade à cheval quand le jeudi arriva. Ce fut moi qui m'en chargeai et j'obtins la permission de la pousser à sortir. Il est là-bas. Nous aperçûmes Linton qui guettait notre approche au même endroit que la fois précédente. Catherine, il est tard. Ton père serait-il très malade ? J'ai cru que tu viendrais pas. Il est étrange, Linton, que pour la seconde fois, tu me fasses venir ici à seule fin, dirait-on, de nous rendre malheureux l'un et l'autre. Mon père est en effet très malade. Pour l'amour du ciel, Catherine, n'aie pas l'air si irritée. Méprise-moi autant qu'il te plaira, mais je ne suis pas digne de ta colère. Réserve-la à mon père. Épargne-moi. Tu n'as pas besoin de solliciter le mépris, Linton. N'importe qui te l'offrirait spontanément. Lâche ma robe! Relève-toi! Ne te dégrade pas jusqu'à faire de toi un reptile abject. Cesse, te dis-je! Catherine! Catherine, je suis un traître aussi. Et je n'ose pas te le dire. Mais si tu me quittes, c'en est fait de moi. Chère Catherine, ma vie est entre tes mains. Dis-moi que tu vas pas partir. Ma bonne, ma douce Catherine. Et peut-être consentiras-tu. Alors il me laissera mourir avec toi. Consentir à quoi ? À rester ? Dis-moi ce que signifient ces étranges paroles et je resterai. Tu ne voudrais pas me faire du tort, n'est-ce pas, Linton? Mais mon père m'a menacé. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. Oh, très bien. Garde ton secret et reste à l'abri. Je n'ai pas peur, moi. C'est quelque chose de vous voir si près de chez moi, Nelly. Comment va-t-on au manoir? Le bruit court qu'Edgar Linton est sur son lit de mort. Peut-être exagère-t-on son mal? Non, mon maître est mourant, ce n'est que trop vrai. Ce sera une triste chose pour nous tous, mais un bienfait pour lui. Combien de temps a-t-il encore à vivre, croyez-vous? Je ne sais pas. Parce que ce gaillard-là a l'air décidé à déjouer mes plans. Je serai reconnaissant à son oncle de faire vite, de s'en aller avant lui. Oh, y a-t-il longtemps que ce chiot se livre à ce petit jeu? Je lui ai pourtant fait la leçon sur ses pleurnicheries. Montre-t-il de l'entrain en général quand il est avec Miss Linton? De l'entrain? Non pas, mais la plus grande détresse. À le voir, je dirais qu'au lieu de vagabonder sur les collines avec sa bien-aimée, il devrait être au lit dans les mains d'un docteur. Il le sera dans un jour ou deux. Mais d'abord, debout, Linton. Debout. Ne te vautre pas par terre. Debout. Sur le champ. Oui, père. Seulement, laissez-moi. Ou je vais m'évanouir. J'ai fait ce que vous vouliez, pour sûr. Catherine vous dira que j'ai été joyeux. Reste près de moi, Catherine. Miss Linton, soyez assez bonne pour l'accompagner jusqu'à la maison, voulez-vous? Il frissonne quand je le touche. Mon cher Linton, je ne puis pas aller à Hurlevent. Papa me l'a interdit. Il ne te fera pas de mal. Pourquoi as-tu si peur? Respectons les scrupules filiaux de Catherine. Allons. Allez, viens, mon héros. Es-tu prêt à rentrer avec moi pour escorte? Heathcliff fit mine de saisir la fragile créature, mais Linton, reculant d'effroi, se cramponna à sa cousine et l'implora de l'accompagner avec une intensité frénétique qui n'admettait pas de refus. Allons. Nous étions incapables de démêler ce qui le remplissait d'une pareille terreur. Nous atteignîmes le seuil de la maison. Catherine entra et j'attendais qu'elle eût mené l'invalide à un fauteuil, pensant qu'elle allait ressortir immédiatement, lorsque Mr. Heathcliff me poussa en avant. Ma maison n'est pas frappée de peste, Nelly. Je suis en veine d'hospitalité aujourd'hui. Asseyez-vous et laissez-moi fermer la porte. Miss Linton, asseyez-vous à côté de lui. Vous donne ce que j'ai. Mon fils. Le présent vaut à peine qu'on l'accepte, mais je n'ai rien d'autre à offrir. Comme elle me regarde. C'est étrange de constater combien tout ce qui a peur de moi m'inspire un sentiment sauvage. Si j'étais né dans un pays où les lois fussent moins strictes, je m'offrirais la lente vivisection de ces deux êtres comme amusement d'une soirée. Par l'enfer. Je l'ai... Je n'ai pas peur de vous. Donnez-moi cette clé. Allons, Catherine Linton. Écartez-vous. Écartez-vous ou je vous jette à terre, ce qui rendra folle Mrs. Dean. Il faut que nous partions. Ah! Mais c'est tellement cette tigresse. La voilà, votre clé. La voilà pour vous. C'est Lyra! C'est Lyra! Je sais corriger les enfants, vous le voyez. Allez auprès de mon fils, Catherine Linton, comme je vous l'ai demandé. Et pleurez tout à votre aise. Je serai votre père demain et vous aurez une bonne ration de taloche. Oui. Vous y goûterez tous les jours si je surprends encore dans vos yeux une diablesse d'humeur comme celle-là. Oh, Maître Linton, vous savez ce que complote votre démon de père et vous allez nous le dire. Ou bien je vous gifle comme il a giflé votre cousine. Oui, Linton, tu dois le dire. C'est pour toi que je suis venue. Papa veut que nous nous marions, Catherine. Oh. Il sait que ton père ne nous laisserait pas nous unir à présent. Et il craint que je ne meure si nous tardons. Aussi devons-nous être mariés demain matin. Tu resteras ici toute la nuit. Si tu fais ce qu'il désire, tu retourneras chez toi demain. Et tu m'emmèneras avec toi. Vous marier? Mais c'est mais vous. Vous figurez-vous que cette belle jeune demoiselle éclatante de santé va se lier à un petit singe moribond comme vous? Vous mériteriez le fouet pour nous avoir attirés ici avec vos pleurnicheries et vos lâches manigances. Non, laissez-le tranquille, Nelly. Quand je te ferai brûler cette porte, je sortirai d'ici. Oh, Catherine, chérie. Il faut pas partir et m'abandonner. Il faut que tu obéisses à mon père. Il le faut. Il faut que j'obéisse au mien et que je le délivre de cette attente cruelle. Il doit être terriblement inquiet. Comment, Linton? Encore appelé en niché? Allons, allons, cesse. Et va te coucher. Chut! Qu'on ne t'entende plus. Une fois que tu seras dans ta chambre, je te laisserai tranquille, n'aie pas peur. Sans le vouloir, tu ne t'es pas trop mal tiré d'affaire. Je me charge du reste. Ah vraiment, Miss Linton, vous n'avez pas peur de moi. Votre courage est bien mal déguisé alors, car vous avez l'air d'avoir diablement peur. Oui, j'ai peur à présent. Parce que si je reste, papa va être très malheureux. Et comment puis-je supporter de le rendre malheureux quand il... Mr. Heathcliff, laissez-moi rentrer à la maison. Je promets d'épouser Linton sur l'heure si je puis aller ensuite au manoir. Vous êtes un homme cruel, Mr. Heathcliff. Mais vous n'êtes pas un démon. Et vous ne voudrez pas, par pure méchanceté, ruiner irrévocablement tout mon bonheur. J'ai fini de pleurer. Et je vais m'agenouiller ici, à vos pieds. Et je ne me relèverai pas. Ni ne détacherai les yeux de votre visage avant que vous ne me regardiez, vous aussi. Non, ne vous détournez pas! Regardez-moi! Vous ne verrez rien qui puisse vous provoquer. Je ne vous hais pas. N'avez-vous donc aimé personne de toute votre vie, mon oncle? Jamais? Alors, il faut bien que vous finissiez par me regarder! Enlevez ces doigts de lézard et écartez-vous, je vous frappe. J'aimerais mieux être enlacé par un serpent. Je vous exècre. À 9h, Heathcliff nous enjoignit de monter dans la chambre de Zilla, la servante, qui était partie en voyage. Là-haut, nous nous trouvâmes à nouveau enfermés à clé. Nous ne nous couchâmes ni l'une ni l'autre et le matin suivant, à 7h, Heathcliff vint chercher Catherine et l'emmena avec lui. Je restai enfermée là 4 jours et 5 nuits, sans voir personne d'autre que Ayrton, qui tous les matins m'apportait à manger. L'après-midi du 5e jour, ce fut Zilla qui entra. Elle m'apprit que tout Gim Merton croyait que Catherine et moi avions péri dans le marais. Heathcliff venait de lui dire qu'on nous avait trouvés et logés ici. Zilla! Miss Christine, Mr. Heathcliff m'a dit que vous étiez dans ma chambre. Il m'a donné la clé. Il m'a dit que l'eau du marais vous était montée à la tête et que vous vouliez courir chez vous. Mais qu'il vous avait retenu jusqu'à ce que vous ayez repris votre raison. Vous pouvez aller tout de suite au manoir et annoncer de sa part que votre jeune maîtresse vous suivra en temps voulu pour assister aux obsèques de son père. Mr. Edgar n'est pas mort. Oh, Zilla, Zilla. Non, il n'est pas mort. le docteur Kenneth lui donne un jour à vivre. Je saisis mon manteau et me hâtai de descendre. Comme j'entrais dans la salle, une légère toux attira mon attention vers le foyer. Linton était couché sur la banquette, suçant un bâton de sucre candi et suivant mes mouvements d'un regard apathique. Où est Miss Catherine ? En haut. Nous ne la laisserons pas partir. Petit idiot ! Conduisez-moi immédiatement à sa chambre ou je vous fais chanter de belles sortes. C'est papa qui vous fera chanter de belles sortes. Si vous tentiez d'aller là-haut. Il dit que je ne dois pas être doux avec Catherine. Elle est ma femme à présent. Et c'est honteux à elle de vouloir me quitter. Elle ne retournera jamais chez elle. Mr. Heathcliff est-il sorti? Il est à la barrière. En train de parler avec le docteur Kenneth, qui assure que mon oncle, cette fois, est vraiment en train de mourir. J'en suis content, car je serai le maître du manoir après lui. Papa dit que tout ce qui est à Catherine est à moi. Tout. Petit imbécile. Je considérais qu'il valait mieux partir sans voir Mr. Heathcliff et revenir du manoir avec des gens pour délivrer ma jeune maîtresse. Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. 9e épisode. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean. Guillaume Durieux, Heathcliff. Laurent Cléry, Lockwood. Leslie Menu, Catherine. Jean-Claude Frissung, Joseph. Arnaud Aldiger, Edgar Linton. Gabriel Loubrieux, le petit pâtre. Brissy Leray, Linton. Amélie Jalliet, Zila. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.